était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme et sa foi, convaincu qu'il irait plus haut, que le père autrefois. Ils m'ont dit mets ton cœur dans l'histoire, vends ta vie sur un beat. Je mets mon âme sur un multipiste et je me prostitue sur un disque. Joyeux ou triste, j'expose mes vertus et mes vices. Les pantouches glissent au bord d'un précipice. On a mis du poison dans mon calice, du cyanure dans mon graal. J'avais la haine, le sang aux yeux. Ils m'ont tué trop de fois, fatigué d'être un soldat. J'ai opté pour le coup d'état, l'arme à bout de bras. Je m'en vais prendre la tête du roi. Mais y'a trop de traîtres dans mon camp, trop de vendus dans nos rangs. Face à Babylone, leur langue se pend. Donc je mets l'œil à mes gens, paranoïaque mais conscient. Si tu m'as baisé et que tu m'écoutes, c'est juste une question de temps. Mon Renoir, l'amour, la haine, la rage, ça marche toujours par trois. Crois pas que la terre soit grande, tôt ou tard on se reverra. Comme disent les bâtards à la télé, un jour tu me le payeras. Ouais, un jour tu me le payeras. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme sa foi, convaincu qu'il irait plus haut que ses pères autrefois. Inflexible face au fléau, K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme sa foi, convaincu qu'il irait plus haut que ses pères autrefois. Inflexible face au fléau, K-O-B-A-A-L-I. Chevalier sans armure, Dieu est mon guide, jusqu'à ma mort écrit ma vie. Si je meurs, maman ne pleure pas, j'étais pas heureux ici. Y'avait du sang, des larmes, j'avais que larmes et les yeux pour pleurer. Les drames pour les supporter, faut être foncelé ou bien pleurer. Qu'est-ce que tu croyais demeurer? On joue du cran d'arrêt en souriant, qu'on se venge avant les enterrements. Tu peux me croire, Renoir, c'est autrement. On a nos mères, les morts, les leurs. Tu crois qu'un moment d'eau ou sous terre, c'est tout à son honneur. C'est l'horreur quand c'est ton fils qu'on enterre. Ça fait pas rire la guerre, ça fait peur comme voir la cervelle de son frère. Le but, tu m'aimes personne, il arbitre. Quand ton heure sonne, c'est carton rouge. Les moins vénards ont carton vert sur des chaises qui roulent. En attendant, je fume une soule. High comme un toxico ou un hippie. Baba est pas cool. Si tu me baisses, tu te baisses tout seul. Parle avec mes douilles, négro. Parle avec mes douilles. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme sa foi, convaincu qu'il irait plus haut que ses pères autrefois. Inflexible face au fléau, K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme sa foi, convaincu qu'il irait plus haut que ses pères autrefois. Inflexible face au fléau, K-O-B-A-A-L-I. Trop de géants vides et Jay-Z. Baiser Beyoncé dans une limo, les gars se mystifient. Rap de pestiféré pendant que le Kaiser fructifie. Les laisse désespérer avec un grenaille et c'est le suicide. Y'a personne que tu cruges ici. On va te faire boire de l'acide. Ça c'est trop facile, jeune homme dehors, t'as aucune assise. Moi je sors pour faire mal comme un braqueur qui insiste. Parle pas fort ma gueule, un tête à tête c'est bien plus expressif. C'est facile dans un studio de jouer les dépressifs. Bouffe la semelle de mes teams, tu seras peut-être plus réceptif. Abonné à baisser son calcif, le corona dans l'anus. Quoi de neuf KRA maintenant, dis-moi est-ce que tu me kiffes, hein? Hein? On n'a rien à foutre avec qui tu marches, ouais. D'où tu viens, hein? Où tu crèches. Ton zizou dans la brèche, pédale, c'est chaud parce qu'on berge. On est dehors, en haut de l'affiche. Bitch! Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme sa foi, convaincu qu'il irait plus haut que ses pères autrefois. Inflexible face au fléau, K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. Un homme sa foi, convaincu qu'il irait plus haut que ses pères autrefois. Inflexible face au fléau, K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, inflexible face au fléau. K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, dans un monde à l'aube du chaos. K-O-B-A-A-L-I. Il était une fois, inflexible face au fléau. K-O-B-A-A-L-I.